caresse son visage, je caresse ses cheveux, je l'embrasse dans le cou. Et je bois son image et l'eau de ses grands yeux. Je crois que j'en suis fou, fou d'amour. Si elle veut, j'accours et l'on part loin d'ici. Si elle veut, j'accours pour combler son cœur lourd d'envies inassouvies. Ses genoux, je sens monter la fièvre, la retiens d'une main, c'est sûr, j'en suis fou, fou d'amour. Si elle veut, j'accours et l'on part loin d'ici. Si elle veut, j'accours pour combler son cœur dans les inassouvis. Sur son cœur, elle entendra mes nuits, elle jouera ma survie, me dira n'aie pas peur et oubliera ses pleurs. Sur son dos, à jouer du piano, j'invente des gestes flous. On est à fleur de peau, y'a plus besoin de mots. Je crois qu'on devient fou, fou d'amour. Si elle veut, j'arrive.